Martin Guerre, troisième partie. Que se passait-il dans l'âme de cette pauvre femme? Toute la force qu'il avait soutenue contre Pierre l'abandonna dès qu'elle se trouva seule. Malgré la résistance qu'elle opposait aux soupçons, une lueur affreuse, celle du doute, pénétra dans son cœur et remplaça ce pur flambeau de confiance qui l'avait guidé jusqu'alors. Et ce doute, hélas, s'attaquait en même temps à son honneur et à son amour, car elle aimait de toute l'affection tendre d'une femme. De même que le poison, une fois pris, se glisse peu à peu et circule sourdement dans toutes les veines, corrompant le sang et s'infiltrant dans les sources de la vie jusqu'à ce qu'éclate enfin la désorganisation totale du corps humain. Ainsi le soupçon, cet autre poison mortel, étendait ses ravages dans cette âme qu'il avait reçue. Bertrande se rappela avec effroi la première impression qu'elle avait ressentie en revoyant Martin Guerre, ses répugnances secrètes et involontaires, son étonnement en ne trouvant point en elle de sympathie pour l'époux qu'elle avait si ardemment regretté. Elle se souvint aussi, comme si elle s'en apercevait pour la première fois, que Martin, autrefois étourdi, vif et emporté, paraissait maintenant réfléchi et maître de lui. Elle avait attribué ce changement de caractère au développement de l'âge, mais elle frémissait à l'idée d'une autre cause. Quelques autres circonstances éparses se présentèrent encore à son esprit. C'était des oublis, des distractions de son mari dans des détails presque insignifiants. Ainsi, il lui était arrivé souvent de ne point répondre au nom de Martin, ou de se tromper de chemin en allant à un ermitage autrefois bien connu des deux époux, ou de ne pas savoir lui répondre quand elle lui adressait quelques mots en langue basque. C'était de lui pourtant qu'elle avait appris le peu qu'elle en savait. En outre, il n'avait jamais depuis son retour voulu écrire devant elle. Craignait-il qu'on ne remarquât quelque différence entre son écriture d'alors et celle d'autrefois? Tous ces faits auxquels elle avait prêté peu d'attention acquirent de leur rapprochement une importance effrayante. Un trouble affreux s'empara de Bertrande. Devait-elle rester dans cette incertitude ou chercher une lumière qui achèverait peut-être sa perte? Et comment s'assurer de la vérité? En interrogeant le coupable? En surprenant sa confusion? En épiant sa pâleur? En lui arrachant un aveu? Mais depuis 2 ans, cet homme avait vécu avec elle. Il était le père de son enfant. Elle ne pouvait l'avilir sans s'avilir elle-même. L'explication, une fois abordée, elle ne pouvait le punir sans se perdre elle-même, ni lui pardonner sans rougir. Lui reprocher son imposture pour se taire ensuite et lui garder le secret, c'était détruire à plaisir la paix de toute sa vie. Faire un éclat et appeler le châtiment sur la tête du faussaire, c'était attirer le déshonneur sur la sienne et sur celle de sa fille. La nuit la surprit dans ses affreuses perplexités. Trop faible pour y résister, elle sentit un frisson glacial s'emparer d'elle. Elle se mit au lit. Une fièvre violente se déclara, et pendant plusieurs jours, elle fut entre la vie et la mort. Pendant cette maladie, Martin Guerre lui prodigua les soins les plus empressés. Elle en fut vivement touchée, ayant une de ces âmes ardentes qui ressentent le bienfait aussi fortement que l'injure. Quand elle fut un peu remise et que la raison commença à lui revenir, elle se souvint confusément de tout ce qui s'était passé. Il lui sembla avoir fait un rêve horrible. Elle s'informa si Pierre était venu la voir. Pierre n'avait pas paru dans la maison. Cette conduite de son oncle ne pouvait s'expliquer que par la scène qui avait eu lieu. Alors, elle se rappela tout. L'accusation portée par Pierre Guerre, ses propres observations qu'il avait confirmées, Enfin, toutes ses douleurs, toutes ses angoisses. Elle s'informa des rumeurs du village. Pierre n'avait pas parlé. Pourquoi ? Avait-il reconnu que ses soupçons étaient injustes ? Ou plutôt, attendait-il d'autres preuves ? Elle retomba elle-même dans sa cruelle incertitude. Avant de croire au crime ou à l'innocence de Martin, elle résolut de l'observer encore. Cependant, comment supposer que Dieu eût créé deux visages si semblables, deux êtres en tout si pareils, et qu'il les eût jetés ensemble dans le monde, sur la même route, en quelque sorte, pour abuser et perdre une malheureuse femme? Une terrible idée lui vint, une idée qui devait se présenter la première dans ce siècle de superstition. C'est que l'ennemi du genre humain avait pu revêtir la forme humaine et paraître sous les traits d'un mort pour gagner à l'enfer une âme de plus. Sa tête s'exalta sur cette idée. Elle courut à l'église, paya des messes et pria avec ferveur. Elle s'attendait d'un jour à l'autre à voir le démon sortir du corps qui l'avait animé. Ses vœux, ses offrandes, ses prières furent inutiles. Mais le ciel lui envoya une inspiration qu'elle s'étonna de ne pas avoir eue plus tôt. « Si le tentateur, se dit-elle, qui a pris la forme de mon époux bien-aimé, comme son pouvoir est sans borne dans l'empire du mal, il a revêtu la figure exacte, et aucune différence ne doit se manifester, si légère qu'elle puisse être. Mais, au contraire, si ce n'est qu'un homme qui lui ressemble, Dieu les aura distingués par quelque autre marque. » Elle se souvint alors, et si ce souvenir lui avait échappé, c'est qu'avant l'accusation de Pierre, elle était demeurée sans méfiance, et que depuis cette accusation, le désordre de ses idées et la maladie lui avaient presque ôté l'usage de la raison. Elle se souvint, disons-nous, que son mari avait derrière l'épaule gauche, presque à la naissance du cou, un de ces petits signes presque imperceptibles dont la marque ne s'efface jamais. Mais Martin portait les cheveux très longs. Il était difficile de vérifier l'existence de cet indice. Une nuit, pendant qu'il dormait, Bertrande coupa une mèche de ses cheveux à l'endroit où le signe devait être. Le signe n'y était pas. Convaincu enfin de l'imposture, Bertrande eut un moment d'angoisses indicibles. Cet homme que, pendant 2 ans, elle avait respecté et chéri, qu'elle avait reçu dans ses bras comme un époux vivement regretté, c'était un fourbe, un infâme. Elle était criminelle sans l'avoir su, sans l'avoir voulu. Sa fille était née d'un commerce illégitime, et le ciel avait dû maudire cette union sacrilège. Pour comble de malheur, elle portait dans son sein un autre fruit de cette union. La malheureuse voulut mourir, mais la religion et l'amour de ses enfants la retinrent. Agenouillée devant le berceau de son fils et de sa fille, elle demanda pardon au père de l'un pour le père de l'autre. Elle ne pouvait se décider à proclamer elle-même leur infamie. « Oh, dit-elle, toi qui n'es plus et que j'ai aimé, tu sais si un sentiment coupable était jamais entré dans mon âme. Quand je vis cet homme, je crus te revoir. Quand je fus heureuse, je crus te devoir mon bonheur. C'était encore toi que j'aimais en lui. Et tu n'exiges pas, sans doute, que par un éclat funeste, j'attire la honte et le scandale sur mes enfants et sur leur mère. » Elle se releva plus calme. Il lui sembla qu'une inspiration céleste venait de lui tracer son devoir. Se taire et souffrir, telle fut la vie qu'elle adopta, vie d'abnégation et de sacrifice qu'elle offrit à Dieu comme une expiation de sa faute involontaire. Mais qui peut comprendre les bizarreries du cœur? Cet homme, dont elle aurait dû avoir horreur, Cet homme, qui l'avait entraîné dans la complicité d'un crime, ce faussaire dévoilé qu'elle aurait dû ne voir qu'avec mépris, elle l'aimait. Une longue habitude, l'autorité qu'il avait prise sur elle, l'amour qu'il lui avait témoigné, enfin, mille sympathies dont le cœur seul a le secret, avaient exercé sur cette femme une telle influence qu'au lieu de l'accuser et de le maudire, elle lui cherchait une excuse dans l'excès d'une passion à laquelle il avait obéi sans doute lorsqu'il usurpait le nom d'un autre. Enfin, elle craignait encore plus le châtiment pour lui que le scandale pour elle. Et quoique bien résolue à ne plus lui céder des droits achetés par un crime, elle tremblait à l'idée de perdre son cœur. Voilà surtout ce qui la décida à renfermer sa découverte dans un silence éternel. Un mot, un seul mot qui aurait laissé voir qu'elle était instruite, aurait élevé entre elle et lui une insurmontable barrière. Cependant, elle ne put tellement se contraindre que son chagrin ne parut au dehors. Elle versait en secret d'abondantes larmes dont ses yeux gardaient la trace. Plusieurs fois, Martin lui demanda la cause de sa tristesse. Elle affectait de sourire en s'excusant, mais ensuite, elle redevenait sombre et pensive. Martin attribua cette humeur noire à des caprices. Il s'aperçut que Bertrande perdait sa fraîcheur, que ses joues se creusaient, et il crut voir dans ce déclin de sa beauté les ravages précoces du temps. L'ingrat devint alors moins empressé près d'elle. Ses absences furent plus longues et plus fréquentes. Il laissa éclater son impatience et son ennui de se voir observer, car elle attachait sans cesse ses regards sur lui et remarquait avec douleur ce changement et cette froideur. Ainsi, la pauvre femme qui avait tout sacrifié pour conserver au moins l'amour de cet homme voyait peu à peu cet amour lui échapper. Un autre l'observait aussi, Pierre Guerre, qui depuis la tentative qu'il avait hasardée auprès de Bertrande n'avait sans doute recueilli aucun indice nouveau. Pierre Guerre n'osait faire éclater ses soupçons sans les appuyer par une preuve positive. Aussi ne perdait-il aucune occasion d'examiner toutes les démarches de son prétendu neveu, espérant que le hasard l'amènerait sur la trace de quelque découverte. Il devinait d'ailleurs, à la mélancolie de Bertrande, que celle-ci avait acquis une certitude fatale et qu'elle était décidée à la dissimuler. Martin était alors en marché pour vendre une partie de son héritage. Cette affaire nécessitait de fréquentes entrevues avec des gens de loi de la ville voisine. Deux fois par semaine, il se rendait à Rieux, où, pour moins de fatigue, il partait à cheval vers les 7 heures du soir, couchait à la ville et ne revenait que le lendemain dans l'après-midi. Ses habitudes avaient été remarquées par son ennemi. Celui-ci ne tarda pas à se convaincre qu'une partie des heures employées en apparence à ce voyage avait une autre destination. Un soir, vers 10 heures environ, par une nuit assez noire, la porte d'une maisonnette isolée, située à une demi-portée de fusil du village, s'ouvrit doucement et laissa passer d'abord un homme enveloppé d'un grand manteau, puis une jeune femme qui le suivit assez loin dans la campagne. Arrivés à l'endroit où ils devaient se séparer, ils se donnèrent un tendre baiser d'adieu et murmurèrent quelques mots d'amour. L'amant délia son cheval qui était attaché à un arbre, monta en selle et s'élança au galop du côté de la ville. Quand on n'entendit plus rien, la jeune femme toute pensive retourna lentement vers sa demeure. Mais comme elle approchait de la porte, tout à coup, un personnage sortit de l'angle de la maison et lui barra le chemin. Effrayée, elle veut crier. Il lui prend le bras et lui ordonne de se taire. « Rose, lui dit-il à voix basse, je sais tout. Cet homme qui sort de chez toi est ton amant. Pour le recevoir sans danger, tu as endormi ton vieux mari au moyen d'une drogue dérobée à Maître Marcel, ton père. Voilà un mois que cette intrigue est nouée. 2 fois par semaine, à 7 heures, Tu ouvres cette porte à ce cavalier, et ce n'est qu'à 10 heures qu'il sort pour se rendre à la ville. Cet homme, je le connais, je suis son oncle. » Glacée de terreur, Rose se jeta à genoux et lui demanda grâce. « Oui, reprit Pierre, tu as raison d'être épouvantée, car ton secret est entre mes mains. Je puis le divulguer et te perdre à tous les yeux. » « Vous ne ferez pas cela, dit la femme coupable en joignant les mains. » Il continua. « Je puis avertir ton mari, lui apprendre que sa couche est souillée, lui dire quel est ce sommeil si lourd dont on profite pour le déshonorer. » « Il me tuerait. » « Je le sais, il est jaloux, il est italien, il saurait se venger comme moi. » « Mais je ne vous ai jamais fait de mal, cria-t-elle tout éplorée. « Grâce, grâce, épargnez-moi. » « À une condition. »« Laquelle ?»« Viens avec moi. » Éperdue, égarée, Rose se laissa entraîner par lui. Bertrande venait d'achever sa prière du soir. Elle allait se mettre au lit, lorsque plusieurs coups frappés à la porte la firent tout à coup tressaillir. Pensant que peut-être un de ses voisins avait besoin de secours, elle se hâta d'aller ouvrir. Quelle fut sa surprise quand elle se trouva en présence d'une femme échevelée, que Pierre tenait par le bras en s'écriant avec force « Voilà ton juge, c'est à Bertrande, c'est à elle qu'il faut tout avouer. » Bertrande ne reconnut pas d'abord cette femme qui tomba à ses pieds, terrassée par la voix de Pierre. « Dis la vérité ici, poursuivit-il, ou je vais la dire chez toi, à ton mari. » « Ah, madame, tuez-moi, dit la malheureuse femme en se cachant le visage. Que je périsse par votre main plutôt que par la sienne. » Bertrande, stupéfaite, ne comprenait encore rien à cette scène. Mais elle reconnut Rose. Qu'est-ce donc, madame? Vous êtes chez moi pâle et pleurée à cette heure, et pourquoi Pierre vous a-t-il traînée ici? Moi, votre juge, dit-il. De quel crime êtes-vous donc coupable? Si Martin était là, il pourrait vous répondre, dit Pierre. À ce mot, un éclair de jalousie traversa l'âme de Bertrande. Tous ses anciens soupçons se réveillèrent. « Comment ? Que dites-vous, mon mari ?» est sorti tout à l'heure de chez cette femme. Depuis un mois, il se voit en secret. Il vous trompe, je les ai vus. Elle n'osera pas me démentir. « Ah, madame !» cria Rose toujours agenouillée. Ce cri était un aveu. Bertrande devint pâle comme une morte. « Au ciel ! » murmura-t-elle. « Trompée ! Trahi par lui. Depuis un mois, répéta le vieillard. Oh l'infâme, continua-t-elle avec une colère qui croissait à chaque mot. Toute sa vie n'est que mensonge. Il s'est joué de ma crédulité, et maintenant c'est de mon amour qu'il se joue. Il ne me connaît donc pas. Il croit donc pouvoir me braver. Moi, moi de qui dépend son sort. Son honneur, sa vie. Puis, se tournant vers la coupable, « Et toi, malheureuse, par quel indigne artifice as-tu surpris son amour? Par quel sortilège, par quel philtre empoisonneur dont ton digne père t'a donné le secret? « Hélas, madame, ma faiblesse est mon seul crime, et c'est aussi ma seule excuse. Autrefois, quand j'étais jeune fille, je l'ai aimé, madame, et maintenant, ses souvenirs m'ont perdu. Des souvenirs? As-tu donc cru aimer le même homme? Es-tu donc la dupe de l'imposture? Ou plutôt, ne feins-tu pas de l'être pour te couvrir d'un lambeau d'excuses? Rose, à son tour, ne la comprenait pas. Oui, poursuivit-elle en s'animant toujours. C'était peu pour le fourbe d'usurper les droits d'époux et de père, Il fallait, pour mieux jouer son personnage, qu'il abusât aussi la maîtresse par sa ressemblance. C'est plaisant, n'est-il pas vrai? Vous aussi, Rose, vous avez cru revoir votre amant. Je suis donc bien excusable, moi, sa femme, qui me suis crue fidèle à mon mari. Que signifie ce langage? Demanda Rose épouvantée. Cela signifie que cet homme est un imposteur, et que je le démasquerai. Oh, vengeance, vengeance! Pierre s'avança. Bertrande, dit-il, tant que je vous ai cru heureuse, tant que j'ai pu craindre de troubler ce bonheur, je me suis tue. J'ai renfermé ma juste colère. J'ai épargné l'usurpateur du nom et des biens de mon neveu. Maintenant, puis-je parler? Oui, répondit-elle d'une voix sourde. Vous ne me démentirez pas? Pour toute réponse, elle s'assit devant la table, et d'une main tremblante, elle écrivit à la hâte quelques lignes et remit le papier au vieillard. Il s'en saisit. Son œil étincelait de joie. Oui, vengeance pour lui, mais pour elle, pitié. Que son humiliation soit son seul châtiment. En échange de ses aveux, j'ai promis le silence. Me l'accorderez-vous? Bertrande fit un geste d'assentiment et de dédain. Allez sans crainte, dit Pierre à la femme coupable. Celle-ci sortit, et Pierre quitta aussi la chambre. Resté seul, Bertrande se sentit épuisé par tant d'émotions. L'indignation fit place à l'abattement. Elle songea à ce qu'elle venait de faire, à l'éclat qu'elle allait attirer sur sa tête. En ce moment, sa fille s'éveilla, lui tendit les bras en souriant et nomma son père. Son père! C'était un vrai coupable. Mais était-ce à elle de le perdre, de provoquer l'action des lois, de le vouer à la mort après l'avoir pressé dans ses bras? À l'infamie, quand la honte devait s'étendre sur elle et sur l'enfant qui était né d'elle, et sur celui qu'elle sentait tressaillir dans ses flancs. Qu'il fût criminel devant Dieu, c'était à Dieu de le punir. Qu'il fût criminel envers elle, c'était par son mépris qu'elle devait l'écraser. Mais appeler les hommes à laver cette offense, les initier à tous les mystères de sa vie, profaner le sanctuaire du lit conjugal, enfin, convier tout le monde à ce funeste scandale, c'est ce qu'elle avait fait. L'imprudente! Elle se repentit de sa folle précipitation, elle espéra en prévenir les suites. Malgré la nuit, malgré le mauvais temps, elle courut sur le champ au logis de Pierre pour lui reprendre à tout prix sa dénonciation. Pierre n'y était pas. Il avait fait seller un cheval et s'était rendu en toute hâte à la ville de Rieux. La plainte de Bertrande était entre les mains des magistrats. Au point du jour, la maison où logeait Martin Guerre pendant son séjour à la ville fut cernée par des hallebardiers. Il se présenta devant eux avec assurance et leur demanda ce qu'il voulait. Quand on lui apprit le sujet de l'accusation, il pâlit légèrement, puis il se remit et se laissa conduire sans résistance devant le juge. Là, on lui lut la requête de Bertrande qui le déclarait imposteur, disant que faussement, témérairement, traîtreusement, il l'avait abusée en prenant le nom et en supposant la personne de Martin Guerre. Elle demandait qu'il fût condamné à demander pardon au roi et à elle. L'accusé écouta cette lecture avec calme et fit bonne contenance. Il témoigna seulement une profonde surprise au sujet de la démarche de sa femme, qui, après avoir vécu plus de 2 années avec lui, depuis son retour, songeait pour la première fois à lui contester le nom qu'elle lui avait si longtemps donné. Comme il ignorait à la fois et les soupçons que Bertrande avait conçus et la certitude qu'elle avait acquise et enfin l'explosion de jalousie qui avait déterminé cette plainte, son étonnement fut naturel et n'eut pas l'air d'une comédie jouée. Il rejeta le tout sur les instigations de Pierre Guerre, son oncle. Ce vieillard, dit-il, guidé à la fois par la cupidité et la vengeance, lui voulait contester son nom et son état pour le dépouiller de son bien qui pouvait valoir 16 à 18 000 livres. Et pour atteindre ce but, le misérable n'avait pas craint de suborner Bertrande et de lui prêter, au risque de la déshonorer, cette accusation calomnieuse, horrible et inouïe dans la bouche d'une femme légitime. « Ah ! Ce n'est pas elle que j'accuse, s'écria-t-il. Elle doit souffrir plus que moi si réellement un doute semblable est entré dans son cœur. Mais je déplore la facilité avec laquelle elle a ouvert l'oreille aux étranges calomnies de mon ennemi. » Tant d'assurance en imposa d'abord au juge. Reconduit en prison, l'accusé en sortit 2 jours après pour subir un interrogatoire en règle. Il commença par expliquer la cause de sa longue absence, amenée, dit-il, par une querelle de ménage dont Bertrande s'était bien souvenue. Il raconta ensuite la vie qu'il avait menée pendant ces 8 années, d'abord vagabond, courant le pays par curiosité, par amour des voyages, puis franchissant les frontières, revoyant la Biscaye, son pays natal, entrant au service du cardinal de Burgos, de là, enrôlé comme partisan dans les troupes du roi d'Espagne. Blessé sur le champ de bataille de Saint-Quentin, ramassé, porté au prochain village, et guéri malgré la menace d'une amputation. C'est alors que, brûlant du désir de revoir sa femme, son enfant, ses parents et sa seconde patrie, il était revenu à Artigues, où il avait eu le bonheur d'être reconnu sans hésitation par tout le monde, y compris ce même Pierre Guerre, son oncle, qui maintenant avait la barbarie de le vouloir désavouer. En effet, n'avait-il pas été comblé de caresses par cet homme jusqu'au jour où il s'était avisé de lui demander compte de ses revenus? S'il eût consenti lâchement à sacrifier son bien et à frustrer ses enfants, on ne le ferait pas aujourd'hui passer pour un imposteur. Mais, ajouta Martin, je résistai, et il s'ensuivit une dispute violente où la colère m'emporta peut-être trop loin. Pierre, en homme dissimulé et vindicatif, se tut et attendit. Il prit son temps et ses mesures pour ourdir la trame de cette accusation, espérant par là en venir mieux à ses fins, associer la justice à sa cupidité et obtenir, par une condamnation surprise à la religion des magistrats, les dépouilles qu'il convoitait et la satisfaction de ses injures. À ces explications, qui ne manquaient pas de vraisemblance, l'accusé joignit des protestations sur son innocence. Il demanda hardiment que sa femme lui fût confrontée, assurant qu'elle ne pourrait soutenir en sa présence le personnage qu'on lui avait imposé, et que la vérité triompherait dans un cœur que n'animait pas l'aveugle passion de son persécuteur. Il demanda enfin, à son tour, que le juge rendît hommage à sa sincérité, et que, pour en faire foi, il condamna ses calomniateurs aux mêmes peines qu'ils avaient invoquées contre lui, que Bertrande de Rolls, sa femme, fût séquestrée dans une maison où elle serait à l'abri de la subornation, et qu'enfin, il fût lui-même renvoyé absous avec dépens et dommages-intérêts. Après ces déclarations faites avec chaleur et empreintes d'un ton de sincérité, il satisfit, sans se troubler, à tout ce que lui demanda le juge. Voici à peu près les questions et les réponses telles qu'elles ont été conservées. Dans quelle partie de la Biscaye êtes-vous né? Au village d'Eymes, dans la province de Guipuscoa. Comment se nommaient votre père et votre mère? Antonio Guerre et Maria Torreada. Sont-ils encore vivants? Mon père est mort le 15 juin 1530, et ma mère ne lui a survécu que 3 ans et 12 jours. Aviez-vous des frères ou des sœurs? J'ai eu un frère qui n'a vécu que 3 mois. Mes 4 sœurs, Inès, Dorothée, Mariette et Pedrina, sont venues avec moi s'établir à Artigues. Elles y sont encore, toutes m'ont reconnue. Quel jour avez-vous été marié? Le 10 janvier 1539. Qui assistait à la cérémonie? Mon beau-père, ma belle-mère, mon oncle, mes 2 sœurs, Maître Marcel, Rose, sa fille, le voisin Claude Perrin, qui s'enivra au repas de noces, le poète Giraud, qui composa des vers en notre honneur. Quel fut le prêtre qui vous unit? le vieux curé Pascal Guérin, que je n'ai plus retrouvé à mon retour. Quelles circonstances particulières signalèrent le jour des noces? Catherine Boer, notre voisine, vint sur le minuit nous apporter la collation qu'on appelle « Medianoche ». Cette femme m'a reconnue aussi bien que la vieille Marguerite, qui depuis ce jour-là a toujours habité la maison. « Quel jour est né votre fils ?»« Le 16 février 1548, 9 ans seulement après mon mariage. Je n'avais que 12 ans quand j'ai épousé Bertrande, et ce ne fut que plusieurs années après que je cessai d'être enfant. À quelle époque avez-vous quitté Artigues ? Au mois d'août 1549, en sortant du village, je rencontrai Claude Perrin et le curé Pascal. Je leur dis adieu. Je me dirigeais vers Beauvais. Je passais par Orléans, Bourges, Limoges, Bordeaux, Toulouse. Voulez-vous les noms des personnes que j'y ai vues et à qui j'ai parlé ? Vous les aurez. Que puis-je dire de plus ? Jamais, en effet, on ne vit de déclaration plus conforme à la vérité. On ne pouvait retracer plus fidèlement toute la conduite de Martin Guerre. Et il fallait bien que ce fût lui-même qui parlât ainsi de ses propres actions. Car, ainsi que le remarque l'historien, en faisant allusion à la fable d'Amphitryon, Mercure ne rappela pas mieux à Sosie tous ses faits, gestes et paroles que le faux Martin Guerre, ceux du véritable. Suivant le désir de l'accusé, on séquestra Bertrande de Rolls pour la mettre à l'abri des instigations de Pierre Guerre. Cependant, celui-ci ne perdit pas son temps, et pendant le mois qui fut employé à interroger toutes les personnes que Martin avait citées, cet adversaire actif, guidé par quelques vagues indices, entreprit un voyage dont il ne revint pas seul. Tous les témoignages concordaient avec la déclaration de l'accusé. Celui-ci la prit dans sa prison et s'en félicita, espérant sa délivrance prochaine. Un jour, en effet, on le conduisit en présence du juge, qui lui déclara que sa déposition était confirmée par tous les témoins qu'il avait invoqués. « N'en connaissez-vous pas d'autres ? » ajouta le magistrat. « N'avez-vous pas d'autres parents que ceux que vous m'avez désignés ?»« Pas d'autres, » répondit l'accusé. « Et celui-ci ? » dit le juge en ouvrant une porte. Un homme âgé sortit, qui s'élança au cou de l'accusé en s'écriant « Mon neveu !» L'accusé frissonna de tous ses membres, mais ce ne fut l'affaire que d'un instant. Il se remit de cette première commotion, et considérant avec sang-froid le nouveau venu, il lui demanda tranquillement « Qui êtes-vous ? » « Eh quoi ? » dit cet homme. « Ne me reconnais-tu pas ? Aurais-tu le courage de me renier, moi, ton oncle maternel, Carbon Barreau, l'ancien soldat, moi qui t'ai fait jouer sur mes genoux quand tu étais jeune, moi qui t'ai appris plus tard à porter le mousquet, moi que tu as retrouvé pendant la guerre dans une auberge de la Picardie, d'où tu t'es enfui secrètement. Depuis ce temps-là, je t'ai cherché partout, j'ai parlé de toi, j'ai dépeint ta figure, ta personne, jusqu'à ce qu'enfin, ce digne habitant de ce pays s'offrit à me conduire ici, où je ne m'attendais pas, pauvre enfant, à voir le fils de ma sœur emprisonné et garrotté comme un malfaiteur. Quel est donc son crime, monsieur le juge ? Vous le saurez, répondit le magistrat. Ainsi vous réclamez cet accusé comme votre neveu ? Vous affirmez qu'il se nomme Arnaud Dutille, dit Pensette, à cause de son père qui s'appelait Jacques Pensat. Thérèse Barreau, ma sœur, fut sa mère. Il est né au village de Sagias. Qu'avez-vous à répondre ? Demanda le juge en se tournant vers l'accusé. 3 choses, répondit celui-ci avec une rare tranquillité. Ou cet homme est fou, ou il est payé pour mentir, ou il se trompe. L'autre resta muet d'étonnement. Mais le premier mouvement du prétendu Martin Guerre n'avait point échappé au juge. Il avait été frappé également de l'accent de franchise de Carbon Barreau. Il se livra à de nouvelles recherches. D'autres habitants de Sagias furent mandés à Rieux. Tous s'accordèrent à signaler dans l'accusé ce même Arnaud Dutille qu'ils avaient vu naître et grandir sous leurs yeux. Plusieurs d'entre eux déposèrent que, dès son enfance, il avait annoncé les plus mauvaises inclinations, que le mensonge et le larcin lui étaient familiers, qu'il ne craignait pas de blasphémer le saint nom de Dieu pour en couvrir la fausseté de ses allégations hardies. De ces témoignages, le juge conclut, naturellement, qu'Arnaud dût-il était capable de jouer le rôle d'un imposteur et que l'impudence qu'il affectait était réellement dans son caractère. D'un autre côté, il observa que l'accusé, qui se prétendait né en Biscaye, savait à peine quelques mots de la langue basque, qu'il plaçait à tort et à travers dans son discours. Il entendit ensuite un autre témoin qui vint déposer que le véritable Martin Guerre était exercé à la lutte et au jeu d'escrime, tandis que l'accusé, ayant voulu s'y essayer, n'y avait montré aucune habileté. Enfin, un cordonnier fut interrogé, et ce témoignage ne fut pas le moins accablant. « Martin Guerre, déclara-t-il, se chaussait à 12 points. Quelle fut ma surprise quand la chaussure de l'accusé n'en porta plus que 9 !» En présence de ces indices réunis, et même de ces preuves accumulées, le juge de Rieux, négligeant les autres témoignages qui, selon lui, avaient été surpris à la crédulité publique par l'effet d'une ressemblance extraordinaire, s'arrêtant aussi à la plainte de Bertrande, quoiqu'elle ne l'eût pas confirmée et qu'elle s'obstinât à garder le silence, rendit une sentence par laquelle Arnaud dût-il était déclaré atteint et convaincu d'imposture, et comme tel condamné à perdre la tête. Après quoi, son corps serait déchiré en 4 quartiers pour être exposé aux 4 coins de la ville. Ce jugement, dès qu'il fut connu, souleva dans la ville des impressions de diverses natures. Les ennemis du condamné exaltèrent la sagacité du juge. Les esprits moins prévenus blâmèrent sa témérité. Car le doute était permis entre tant de témoignages opposés. D'ailleurs, la possession d'État, la situation des enfants, n'imposait-elle pas une grande réserve? Et ne fallait-il pas des preuves plus claires que le jour pour annuler en un instant un passé de 2 années qu'aucune contestation n'avait jamais troublé? Le condamné se rendit appelant de la sentence au Parlement de Toulouse. Cette cour crut qu'il fallait peser cette affaire plus mûrement que ne l'avait fait le premier juge. Elle commença par ordonner la confrontation d'Arnaud Dutil avec Pierre et Bertrande de Rolls. Qui nous dira ce qui se passe dans l'âme d'un accusé lorsque, condamné une première fois, il se voit soumis à une seconde épreuve? Les angoisses déjà subies se représentent de nouveau. L'espérance, atténuée par un premier échec, ressaisit pourtant toute sa puissance sur l'imagination qui s'y cramponne, pour ainsi dire, avec anxiété. Il faut recommencer les efforts qui vous ont déjà épuisés. C'est une dernière lutte qui s'engage, une lutte d'autant plus acharnée qu'on a moins de force pour la soutenir. Mais ici, cet athlète n'était pas de ceux qui se laissent aisément abattre. Il recueillit toute son énergie, toute sa fermeté, pour sortir victorieux du nouveau combat qu'on allait lui livrer.